Les nouvelles des activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un ont été rapportées dans divers pays. Le réseau de la radio internationale de l'information et de la planète de Chine, l'agence de presse japonaise Gyodong, le journal sénégalais Le Populaire, les homepages d'Internet du Comité national d'études des études du Congo démocratique, de la filiale polonaise de l'Association d'amitié avec la Corée et du Forum allemand anti-impérialiste Nouvelle des inspections ont présenté sa visite au Palais du Soleil de Kumsusan à l'occasion du 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung. Le journal sénégalais Le Populaire, les radios nationales, internationales et en cette langue nationale de Guinée ont informé de son inspection du centre d'élevage de cistudes de Pyongyang, transformé en exemplaire et standard des centres piscicoles de la Corée. Le homepage d'Internet russe irkutskblogspot.ru et le homepage d'Internet de la filiale polonaise de l'Association d'amitié avec la Corée ont donné avec cette nouvelle celle de son inspection de l'école secondaire pour orphelins de Pyongyang nouvellement construite, alors que le homepage d'Internet de l'Institut d'amitié et culturelle péruvien coréen a traité sa rencontre avec l'envoyé spécial du premier secrétaire du comité central du Parti communiste de Cuba et sa suite. Le journal Za Narodnuyu Blasti, l'agence de presse YLPDV et le homepage d'Internet Amour Presse de Russie et la radio malienne ont présenté sa promotion au poste de président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée. Les homepages d'Internet ont inséré les photos du maréchal Kim Jong-un.